Chapitre 14. Rentré chez moi, je me mis à pleurer comme un enfant. Il n'y a pas d'homme qui n'ait été trompé au moins une fois et qui ne sache ce que l'on souffre. Je me dis, sous le poids de ces résolutions de la fièvre que l'on croit toujours avoir la force de tenir, qu'il fallait rompre immédiatement avec cet amour, et j'attendis le jour avec impatience pour aller retenir ma place. Retourner auprès de mon père et de ma sœur, double amour dont j'étais certain, et qui ne me tromperait pas, lui. Cependant, je ne voulais pas partir sans que Marguerite sût bien pourquoi je partais. Seul un homme qui n'aime décidément plus sa maîtresse la quitte sans lui écrire. Je fis et je refis 20 lettres dans ma tête. J'avais eu affaire à une fille, semblable à toutes les filles entretenues. Et je l'avais beaucoup trop poétisée. Elle m'avait traité en écolier, en employant pour me tromper une ruse d'une simplicité insultante. C'était clair. Mon amour-propre prit alors le dessus. Il fallait quitter cette femme, sans lui donner la satisfaction de savoir ce que cette rupture me faisait souffrir. Et voici ce que je lui écrivis, de mon écriture la plus élégante, et des larmes de rage et de douleur dans les yeux. Ma chère Marguerite, j'espère que votre indisposition d'hier aura été peu de chose. J'ai été à 11 heures du soir demander de vos nouvelles, et l'on m'a répondu que vous n'étiez pas rentrée. Monsieur de G a été plus heureux que moi, car il s'est présenté quelques instants après, et à 4 heures du matin, il était encore chez vous. Pardonnez-moi les quelques heures ennuyeuses que je vous ai fait passer, et soyez sûr que je n'oublierai jamais les moments heureux que je vous dois. Je serais bien allé savoir de vos nouvelles aujourd'hui, mais je compte retourner près de mon père. Adieu, ma chère Marguerite. Je ne suis ni assez riche pour vous aimer comme je voudrais, ni assez pauvre pour vous aimer comme vous le voudriez. Oublions donc, vous, un nom qui doit vous être à peu près indifférent, moi, un bonheur qui me devient impossible. Je vous renvoie votre clé qui ne m'a jamais servi et qui pourra vous être utile si vous êtes souvent malade, comme vous l'étiez hier. Vous le voyez, je n'avais pas eu la force de finir cette lettre sans une impertinente ironie, ce qui prouvait combien j'étais encore amoureux. Je lus et relus 10 fois cette lettre, et l'idée qu'elle ferait de la peine à Marguerite me calma un peu. J'essayai de m'enhardir dans les sentiments qu'elle affectait. Et quand, à 8 heures, mon domestique entra chez moi, je la lui remis pour qu'il la portât tout de suite. « Faudra-t-il attendre une réponse ?» me demanda Joseph. Mon domestique s'appelait Joseph, comme tous les domestiques. Si l'on vous demande s'il y a une réponse, vous direz que vous n'en savez rien, et vous attendrez. Je me rattachai à cette espérance qu'elle allait me répondre. Pauvres et faibles que nous sommes. Tout le temps que mon domestique resta dehors, je fus dans une agitation extrême. Tantôt, me rappelant comment Marguerite s'était donnée à moi, je me demandais de quel droit je lui écrivais une lettre impertinente. Quand elle pouvait me répondre, que ce n'était pas M. de G qui me trompait, mais moi qui trompais M. de G. Raisonnement qui permet à bien des femmes d'avoir plusieurs amants. Tantôt, me rappelant les serments de cette fille, je voulais me convaincre que ma lettre était trop douce encore et qu'il n'y avait pas d'expression assez forte pour flétrir une femme qui se riait d'un amour aussi sincère que le mien. Puis, je me disais que j'aurais mieux fait de ne pas lui écrire, d'aller chez elle dans la journée, et que de cette façon, j'aurais joui des larmes que je lui aurais fait répandre. Enfin, je me demandais ce qu'elle allait me répondre. Déjà prêt à croire l'excuse qu'elle me donnerait. Joseph revint. « Eh bien ? » lui dis-je. « Monsieur, me répondit-il, Madame était couchée et dormait encore, mais dès qu'elle sonnera, on lui remettra la lettre, et s'il y a une réponse, on la portera. » Elle dormait. 20 fois je fus sur le point de renvoyer chercher cette lettre, mais je me disais toujours, on la lui a peut-être déjà remise, et j'aurai l'air de me repentir. Plus l'heure à laquelle il était vraisemblable qu'elle me répondît approchait, plus je regrettais d'avoir écrit. 10 heures, 11 heures, midi sonnèrent. À midi, je fus au moment d'aller au rendez-vous comme si rien ne s'était passé. Enfin, je ne savais qu'imaginer pour sortir du cercle de fer qui m'étreignait. Alors, je crus, avec cette superstition des gens qui attendent, que si je sortais un peu, à mon retour, je trouverais une réponse. Les réponses impatiemment attendues arrivent toujours quand on n'est pas chez soi. Je sortis sous prétexte d'aller déjeuner. Au lieu de déjeuner au café Foix, au coin du boulevard comme j'avais l'habitude de le faire, je préférais aller déjeuner au Palais Royal et passer par la rue d'Antin. Chaque fois que de loin j'apercevais une femme, je croyais voir Nanine m'apportant une réponse. Je passai rue d'Antin sans avoir même rencontré un commissionnaire. J'arrivai au Palais Royal, j'entrai chez Véry. Le garçon me fit manger, ou plutôt me servit ce qu'il voulut, car je ne mangeais pas. Malgré moi, mes yeux se fixaient toujours sur la pendule. Je rentrai, convaincu que j'allais trouver une lettre de Marguerite. Le portier n'avait rien reçu. J'espérais encore dans mon domestique. Celui-ci n'avait vu personne depuis mon départ. Si Marguerite avait dû me répondre, elle m'eût répondu depuis longtemps. Alors, je me mis à regretter les termes de ma lettre. J'aurais dû me taire complètement, ce qui eût sans doute fait faire une démarche à son inquiétude. Car, ne me voyant pas venir au rendez-vous la veille, elle m'eût demandé les raisons de mon absence. Et alors seulement, j'eusse dû les lui donner. De cette façon, elle n'eût pu faire autrement que de se disculper. Et ce que je voulais, c'était qu'elle se disculpât. Je sentais déjà que, quelque raison qu'elle m'eût objectée, je les aurais crues, et que j'aurais mieux tout aimé que de ne plus la voir. J'en arrivais à croire qu'elle allait venir elle-même chez moi, mais les heures se passèrent, et elle ne vint pas. Décidément, Marguerite n'était pas comme toutes les femmes, car il y en a bien peu qui, en recevant une lettre semblable à celle que je venais d'écrire, ne répondent pas quelque chose. À 5 heures, je courus aux Champs-Élysées. Si je la rencontre, pensais-je, j'affecterai un air indifférent, et elle sera convaincue que je ne songe déjà plus à elle. Au tournant de la rue Royale, je la vis passer dans sa voiture. La rencontre fut si brusque que je pâlis. J'ignore si elle vit mon émotion. Moi, j'étais si troublée que je ne vis que sa voiture. Je ne continuais pas ma promenade aux Champs-Élysées. Je regardais les affiches des théâtres, car j'avais encore une chance de la voir. Il y avait une première représentation au Palais Royal. Marguerite devait évidemment y assister. J'étais au théâtre à 7 heures. Toutes les loges s'emplirent, mais Marguerite ne parut pas. Alors, je quittai le Palais Royal et j'entrai dans tous les théâtres où elle allait le plus souvent, au Vaudeville, aux Variétés, à l'Opéra Comique. Elle n'était nulle part. Ou ma lettre lui avait fait trop de peine pour qu'elle s'occupât de spectacle, ou elle craignait de se trouver avec moi et voulait éviter une explication. Voilà ce que ma vanité me soufflait sur le boulevard, quand je rencontrai Gaston qui me demanda d'où je venais. Du Palais Royal. Et moi de l'opéra, me dit-il. Je croyais même vous y voir. Pourquoi? Parce que Marguerite y était. Ah, elle y était? Oui. Seule? Non, avec une de ses amies. Voilà tout? Le comte de G est venu un instant dans sa loge, mais elle s'en est allée avec le duc. À chaque instant, je croyais vous voir paraître. Il y avait à côté de moi une stalle qui restait vide toute la soirée, et j'étais convaincue qu'elle était louée par vous. Mais pourquoi irai-je où Marguerite va ? Parce que vous êtes son amant, pardieu. Et qui vous a dit cela ? Prudence. Je l'ai rencontrée hier. Je vous en félicite, mon cher. C'est une jolie maîtresse. Que n'a pas qui veut ? Gardez-la. Elle vous fera honneur. Cette simple réflexion de Gaston me montra combien mes susceptibilités étaient ridicules. Si je l'avais rencontré la veille et qu'il m'eût parlé ainsi, je n'eusse certainement pas écrit la sotte lettre du matin. Je fus au moment d'aller chez Prudence et de l'envoyer dire à Marguerite que j'avais à lui parler. Mais je craignis que pour se venger, elle ne me répondît qu'elle ne pouvait pas me recevoir. Et je rentrai chez moi après être passé par la rue d'Antin. Je demandai de nouveau à mon portier s'il y avait une lettre pour moi. Rien. Elle aura voulu voir si je ferais quelque nouvelle démarche, et si je rétracterais ma lettre aujourd'hui, me dis-je en me couchant. Mais, voyant que je ne lui écris pas, elle m'écrira demain. Ce soir-là, surtout, je me repentis de ce que j'avais fait. J'étais seule chez moi, ne pouvant dormir, dévorée d'inquiétude et de jalousie, quand, en laissant suivre aux choses leur véritable cours, j'aurais dû être auprès de Marguerite et m'entendre dire des mots charmants que je n'avais jamais entendus que deux fois et qui me brûlaient les oreilles dans ma solitude. Ce qu'il y avait d'affreux dans ma situation, c'est que le raisonnement me donnait tort. En effet, tout me disait que Marguerite m'aimait. D'abord, ce projet de passer un été avec moi seule à la campagne. Puis, cette certitude que rien ne la forçait à être ma maîtresse, puisque ma fortune était insuffisante à ses besoins et même à ses caprices. Il n'y avait donc eu chez elle que l'espérance de trouver en moi une affection sincère, capable de la reposer des amours mercenaires au milieu desquels elle vivait. Et dès le second jour, je détruisais cette espérance, et je payais en ironie impertinente l'amour accepté pendant deux nuits. Ce que je faisais était donc plus que ridicule, c'était indélicat. Avais-je seulement payé cette femme pour avoir le droit de blâmer sa vie? Et n'avais-je pas l'air, en me retirant dès le second jour, d'un parasite d'amour qui craint qu'on ne lui donne la carte de son dîner? Comment, il y avait 36 heures que je connaissais Marguerite, il y en avait 24 que j'étais son amant, et je faisais le susceptible. Et au lieu de me trouver trop heureux qu'elle partageât pour moi, je voulais avoir tout à moi seule, et la contraindre à briser d'un coup les relations de son passé qui étaient les revenus de son avenir. Qu'avais-je à lui reprocher ? Rien. Elle m'avait écrit qu'elle était souffrante quand elle eut pu me dire tout crûment, avec la hideuse franchise de certaines femmes, qu'elle avait un amant à recevoir. Et au lieu de croire à sa lettre, au lieu d'aller me promener dans toutes les rues de Paris, excepté dans la rue d'Antin, au lieu de passer ma soirée avec mes amis et de me présenter le lendemain à l'heure qu'elle m'indiquait, je faisais l'Othello. Je l'espionnais et je croyais la punir en ne la voyant plus. Mais elle devait être enchantée au contraire de cette séparation. Mais elle devait me trouver souverainement sot. Et son silence n'était pas même de la rancune, c'était du dédain. J'aurais dû alors faire à Marguerite un cadeau qui ne lui laissa aucun doute sur ma générosité et qui m'eût permis, la traitant comme une fille entretenue, de me croire quitte avec elle. Mais j'eusse cru offensée par la moindre apparence de trafic, sinon l'amour qu'elle avait pour moi, du moins l'amour que j'avais pour elle. Et puisque cet amour était si pur qu'il n'admettait pas le partage, il ne pouvait payer par un présent, si beau qu'il fût, le bonheur qu'on lui avait donné, si court qu'eût été ce bonheur. Voilà ce que je me répétais la nuit, et ce qu'à chaque instant j'étais prêt à aller dire à Marguerite. Quand le jour parut, je ne dormais pas encore, j'avais la fièvre, il m'était impossible de penser à autre chose qu'à Marguerite. Comme vous le comprenez, il fallait prendre un parti décisif et en finir avec la femme ou avec mes scrupules, si toutefois elle consentait encore à me recevoir. Mais vous le savez, on retarde toujours un parti décisif. Aussi, ne pouvant rester chez moi, n'osant me présenter chez Marguerite, j'essayais un moyen de me rapprocher d'elle, moyen que mon amour-propre pourrait mettre sur le compte du hasard dans le cas où il réussirait. Il était 9 heures, je courus chez Prudence, qui me demanda à quoi elle devait cette visite matinale. Je n'osais pas lui dire franchement ce qui m'amenait. Je lui répondis que j'étais sortie de bonne heure pour retenir une place à la diligence de C, où demeurait mon père. « Vous êtes bien heureux, me dit-elle, de pouvoir quitter Paris par ce beau temps-là. » Je regardai Prudence, me demandant si elle se moquait de moi, mais son visage était sérieux. « Irez-vous dire adieu à Marguerite ? » reprit-elle toujours sérieusement. « Non. Vous faites bien. Vous trouvez ? » ?»« Naturellement, puisque vous avez rompu avec elle, à quoi bon la revoir ? Vous savez donc notre rupture. Elle m'a montré votre lettre. Et que vous a-t-elle dit ? » ?»« Elle m'a dit, « Ma chère Prudence, votre protégé n'est pas poli. On pense ces lettres-là, mais on ne les écrit pas. » Et de quel ton vous a-t-elle dit cela ? En riant. Et elle a ajouté, « Il a soupé 2 fois chez moi, et il ne me fait même pas de visite de digestion. » Voilà l'effet que ma lettre et mes jalousies avaient produit. Je fus cruellement humiliée dans la vanité de mon amour. Et qu'a-t-elle fait hier au soir ? Elle est allée à l'opéra. Je le sais, et ensuite ? Elle a soupé chez elle. Seule ? Avec le comte de G, je crois. Ainsi, ma rupture n'avait rien changé dans les habitudes de Marguerite. C'est pour ces circonstances-là que certaines gens vous disent « Il fallait ne plus penser à cette femme qui ne vous aimait pas. » Allons, je suis bien aise de voir que Marguerite ne se désole pas pour moi, repris-je avec un sourire forcé. Et elle a grandement raison. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous avez été plus raisonnable qu'elle, car cette fille-là vous aimait. Elle ne faisait que parler de vous, et elle aurait été capable de quelque folie. Pourquoi ne m'a-t-elle pas répondu puisqu'elle m'aime ? Parce qu'elle a compris qu'elle avait tort de vous aimer. Puis, les femmes permettent quelquefois qu'on trompe leur amour, jamais qu'on blesse leur amour-propre. Et l'on blesse toujours l'amour-propre d'une femme quand, 2 jours après qu'on est son amant, on la quitte, quelles que soient les raisons que l'on donne à cette rupture. Je connais Marguerite. Elle le mourrait plutôt que de vous répondre. Que faut-il que je fasse alors ? Rien. Elle vous oubliera, vous l'oublierez, et vous n'aurez rien à vous reprocher l'un à l'autre. Mais si je lui écrivais pour lui demander pardon, gardez-vous-en bien, elle vous pardonnerait. Je fus sur le point de sauter au cou de Prudence. Un quart d'heure après, j'étais rentrée chez moi et j'écrivais à Marguerite. Quelqu'un qui se repent d'une lettre qu'il a écrite hier, qui partira demain si vous ne lui pardonnez, voudrait savoir à quelle heure il pourra déposer son repentir à vos pieds. Quand vous trouvera-t-il seul ? Car vous le savez, les confessions doivent être faites sans témoins. Je pliai cette lettre de Madrigal en prose et je l'envoyai par Joseph, qui remit la lettre à Marguerite elle-même, laquelle lui répondit qu'elle répondrait plus tard. Je ne sortis qu'un instant pour aller dîner, et à 11 heures du soir, je n'avais pas encore de réponse. Je résolus alors de ne pas souffrir plus longtemps et de partir le lendemain. En conséquence de cette résolution, convaincu que je ne dormirais pas si je me couchais, je me mis à faire mes malles.